Pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Ah, alors là, il faut généralement... Pas... Alors, Maurice, quand même, tu es sympathique. Tu pourrais quand même poser la question à Sophie et Sony. Allez, pose la question. Vas-y. Alors, Sophie et Sony, vas-y. Ils sont deux en plus. Heureusement que les 17 ne sont pas venus. Si tu regardes bien, ils sont deux. Ouais, alors. Alors, Sophie et Sony, pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Alors là, il faut... Mais je ne savais même pas que les pigeons pas roux savaient nager. Ah d'accord. Alors, il faut lui dire je ne sais pas. Parce que... Je ne sais pas. Alors. Parce que les pigeons roux, ils coulent. J'en étais sûr. Non, mais j'en étais sûr qu'il allait la faire. J'en étais sûr.